Identifiez le nombre de syllabes accentuées. Comparez vos réponses avec celles du corrigé. 1. À samedi. 2. C'est pas ça. 3. C'est vraiment dommage. 4. Un autre jour, peut-être. 5. C'est suffisant. 6. Encore parti. 7. Je compte sur toi après-demain pour y aller. 8. C'est un film que j'ai vu l'an dernier. 9. J'ai appelé pour savoir s'il venait. 10. J'aurais dû vérifier. 11. J'en veux deux. 12. Ça, c'est un peu fort. 13. C'est tout. 14. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? 15. Ça fait deux fois que je l'appelle. 16. Pouvez-vous lui faire le message avant 4 heures? 17. Combien est-ce que tu veux que j'en fasse? 18. Par ici, s'il vous plaît.